Les gouttes de la pluie sont les pianos du paradis. C'est un ange blond qui me l'a dit. Des notes qui ruissellent le long des arcs-en-ciel et transforment les arbres en parapluies. Chaque nuage a le visage d'un bébé qui pleure. Et l'autoroute est un miroir qui s'étend de Marseille à Paris. Ton image qui passe s'amuse avec mes essuie-glaces sur les pianos du paradis. Les gouttes de la pluie sont les pianos du paradis. C'est un ange blond qui me l'a dit. Des notes qui ruisselle le long des arcs-en-ciel et transforme les arbres en parapluies. Des noms de villes filent et défilent sur ce rythme-là. Dans un brouillard de pluie fine qui danse autour de moi, je roule pour te voir et l'autoroute est un miroir. Dans une heure je serai à Paris, sur les Champs-Élysées.